Bonjour, je suis Isabelle Autissier, présidente d'honneur du WWF France. En tant que navigatrice, je constate les effets du réchauffement climatique sur les océans et les glaciers. Notre planète se dégrade, mais ce n'est pas une fatalité. Ensemble, nous pouvons la protéger. En faisant un leg au WWF, c'est une planète vivante que nous transmettrons aux jeunes générations. Demandez votre brochure leg sur transmettre.wwf.fr ou appelez Camille Perrier au 01 73 60 40 40. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, plongé dans un crime politique sur lequel plane l'ombre des services secrets turcs, l'assassinat de trois Kurdes rue Lafayette à Paris. Le 9 janvier 2013, trois militantes du PKK sont retrouvées mortes, tuées par balles dans les locaux du centre d'information de Kurdistan. Très vite, la piste d'un crime politique émerge, avec à la baguette le gouvernement d'Ankara. Car depuis plus de 30 ans, l'État central turc mène une guerre sans merci aux indépendantistes kurdes. Mais qui est l'auteur de ces trois meurtres? Et surtout, était-il en lien avec les services secrets turcs? Notre invité aujourd'hui, Laure Marchand, journaliste et autrice de Triple Assassinat au 147 rue Lafayette, une enquête parue chez Actes Sud en 2017. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Guillaume Malandras, coordination Franck Cognard, attaché de production Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe et David Leprince. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Paris, nuit du 9 au 10 janvier 2013. Alors que la ville s'endort, enveloppée dans un épais brouillard, l'inquiétude monte au pied de l'immeuble du 147 rue Lafayette. Voilà plusieurs minutes que Yilmaz et Murat essaient d'ouvrir la porte d'entrée pour accéder à l'appartement du premier étage. En vain. Les cailloux jetés contre les vitres retombent un à un sur le trottoir et les coups de sonnette de l'interphone retentissent dans le vide. Cet appartement du 147 rue Lafayette n'est pas vraiment un logement. Il s'agit en vérité du centre d'information du Kurdistan, le relais officieux en France d'une organisation indépendantiste kurde bien connue, le Parti des travailleurs du Kurdistan, autrement appelé PKK. Situé à deux pas de la gare du Nord, l'endroit est un véritable point de ralliement pour de nombreux Kurdes qui vivent en France, mais aussi pour les cadres du parti. Habituellement, personne n'y dort la nuit. Mais Yilmaz et Murat sont sans nouvelles de l'une des employées, une certaine Fidan Doğan. Encore plus préoccupant, celle-ci a passé la matinée avec deux militantes qui sont elles aussi injoignables. Leyla Selmez, une jeune femme de 25 ans, et surtout Sakine Kanziz. Cette femme de 54 ans est l'une des fondatrices du PKK et l'une des personnalités les plus célèbres du mouvement indépendantiste kurde. Quelle heure est-il arrivé? Depuis le trottoir, Murat fixe les fenêtres de l'appartement, puis laisse échapper un soupir. Sur la façade, un détail en particulier le tracasse. Malgré l'heure tardive, les lumières du deux pièces sont encore toutes allumées. Or, et il le sait, Fidan a pour habitude de toujours éteindre avant de partir. Murat et Yilmaz s'impatientent, il faut à tout prix réussir à entrer dans l'immeuble. Vers 1h du matin, une décision est prise, enfoncer la porte d'entrée. Après quelques coups d'épaule vigoureux, la porte cède. Les deux hommes pénètrent dans le hall avant de monter des escaliers 4 à 4. Sur le palier, Murat sort un double des clés de l'appartement, puis l'engage dans la serrure. Il est loin de réaliser ce qu'il attend. Quand la porte s'ouvre, une odeur âcre et métallique lui saisit les narines. Murat est tout de suite pris d'un mouvement de recul. Cette odeur, il la connaît. C'est l'odeur du sang. C'est l'odeur de la mort. Sa vue se trouble, comme si son cerveau refusait d'assimiler ce qu'il découvre. Car c'est bien l'impensable qui vient de se produire. les trois femmes ont été assassinées. Pétrifié, Murat se replie sur le palier, puis compose le 17. Vers 1h15 du matin, les policiers débarquent au 147. La police criminelle de Paris enquête après la découverte cette nuit de trois corps de femmes kurdes, toutes trois militantes assassinées manifestement d'une balle dans la tête dans les locaux d'une association de la communauté kurde. Dans l'appartement du premier étage, la scène que découvrent les enquêteurs est abominable. Entre le meuble de la télé et le gros fauteuil, deux corps sont étendus tête bêche. À gauche, Fidan Doğan, l'employé du centre. Elle gît sur le dos, emmitouflée dans sa doudoune, des trous rouges dans la tête. Son bras gauche repose sur le corps de Sakine Kanziz. Les boucles rousses de la cofondatrice du PKK sont figées dans le sang coagulé qui a coulé sur le parquet. Plus loin, entre la table basse et le canapé en cuir bordeaux, il découvre Leyla Seilmez, celle que les Kurdes surnommaient « la petite jeune ». Elle repose allongée sur le ventre, au milieu d'une mare de sang. Chacune des trois victimes a reçu au moins trois balles dans la tête. On ne leur a laissé aucune chance. Entre les murs, le temps s'est comme arrêté. Dans les viandes inox de la cuisine, trois tasses à thé en forme de tulipe attendent d'être lavées. Sur la table basse en bois, une boîte de chocolat et une bouteille d'eau sont posées. Seul manque quelques affaires de Sakine, notamment son ordinateur portable, qui contient de nombreuses données sensibles. À part ça, rien n'a été fouillé. L'hypothèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné est donc évacuée. Voilà, c'est un triple meurtre de Kurdes en plein Paris. L'affaire s'annonce tout de suite politique. Le lendemain matin, 10 janvier, le Premier ministre Manuel Valls se rend sur les lieux et s'adresse aux caméras. C'est un fait grave, d'où ma présence. C'est un fait tout à fait inacceptable. L'enquête ne fait que commencer. Services de la brigade d'anticriminalité, de l'antiterrorisme sont évidemment mobilisés pour faire toute la lumière sur cet acte tout à fait insupportable. Alors, crime politique ou pas? Même si le ministre refuse de spéculer, c'est bien le parquet antiterroriste qui est saisi. La juge d'instruction Jeanne Duyé confie l'enquête à la brigade criminelle installée au célèbre numéro 36 du Quai des Orfèvres. Ensuite, le balai des techniciens d'investigation criminelle, les fameux TIC, peut commencer. Les trois corps sont envoyés à l'Institut médico-légal et la scène de crime est figée. Il va falloir désormais comprendre quand, comment et pourquoi les trois victimes sont mortes. Dehors, la nouvelle fait le tour de la communauté, de la France, jusqu'au Kurdistan. Et elle précipite tout un peuple dans la colère et la tristesse. Des sentiments plus que familiers pour ces oubliés de l'histoire que sont les Kurdes. À 3700 km au sud-est de Paris, loin, très loin de la rue Lafayette, se trouve donc une région sans existence légale, une communauté de destin appelée Kurdistan. Ils sont 35 millions à vivre dans cette zone montagneuse du Proche-Orient. 35 millions de personnes qui partagent une même culture, mangent les mêmes plats et écoutent les mêmes chansons. Et pourtant, jamais ils n'ont eu d'État. Grands perdants des découpages territoriaux historiques, les Kurdes ont forgé leur identité dans le sang, les larmes et la trahison. Longtemps rattaché à l'Empire ottoman, ce peuple vit depuis la dissolution de ce dernier à cheval entre plusieurs pays. L'Irak, la Syrie, l'Iran et surtout la Turquie. Fondée en 1923 autour d'une idéologie étatiste, laïque, mais aussi farouchement nationaliste, la République turque peut compter sur un appareil d'État fort et centralisé. Dès sa création, l'unité nationale est sanctifiée et une politique d'écrasement des identités locales est mise en place. Ainsi, dès les années 30, la minorité kurde, qui représente 15% de la population, est dans le collimateur d'Ankara. Sa langue y est proscrite, et des populations régulièrement persécutées. Mais les traditions ont la vie dure. Face aux attaques de l'État central, le mouvement indépendantiste s'organise politiquement. Dans cette nébuleuse de groupuscules, un petit parti à l'idéologie très à gauche s'enracine localement et commence à se faire connaître. le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, créé en 1978 sous l'impulsion d'un certain Abdullah Öcalan. Inspiré à la fois des Lumières, du marxisme et d'une branche de l'islam hétérodoxe appelée alévisme, l'idéologie du parti prône un Kurdistan unifié, indépendant et socialiste. Son organisation est paritaire. À tous les échelons du parti, un homme et une femme dirigent de concert. D'ailleurs, parmi les membres fondateurs présents aux côtés d'Öcalan, se trouve une jeune femme rousse de 20 ans, originaire de la ville de Dersim, Sakine Kanziz. Courageuse, charismatique, elle s'impose très vite comme l'une des figures du mouvement. Dans un documentaire de Mylène Soloa intitulé « Kurdistan, la guerre des filles », deux de ses anciennes camarades, Hazel Dogan et Nurhayat Altun, témoignent de son engagement. C'est intéressant parce qu'il y a deux femmes lors du congrès fondateur du PKK et les deux sont de Dersim. Et au sein du PKK, nous, femmes kurdes et alévis, nous sommes à l'image de nos mères qui n'ont pas été touchées par la politique d'assimilation de l'État. Dans la croyance alévie, les femmes se considèrent plutôt proches de la gauche. C'est le même mode de vie. Chacun est libre dans sa façon de prier. Sur le plan philosophique, notre croyance est très proche du socialisme. Dès sa fondation, le PKK choisit la lutte armée. Autant dire qu'il doit faire face à une répression impitoyable de l'État central turc. Ainsi, en 79, Sakine est condamnée à 24 ans de prison, puis à 76 ans, en 88, parce qu'elle a eu l'audace de parler kurde dans l'enceinte d'un tribunal. En prison, elle subit brimades et tortures, comme le raconte son frère, qui lui aussi a connu le même sort. Il s'exprime dans un reportage de Spécial Investigation intitulé « Trois femmes à abattre » diffusé sur Canal+ en 2016. La prison de Diyarbakır est une prison qui n'a pas d'équivalent. Je crois qu'une telle barbarie n'a été vue nulle part ailleurs. On nous tapait dans les mains avec des manches de pelle ou de pioche. Et on ne savait jamais qui nous frappait ou combien ils étaient. Au bout d'un certain temps, la peau entre les doigts et la paume éclatait. On ne pouvait plus ouvrir la main. L'une des choses qui se racontait sur Sakine, c'était sa résistance face à l'un des geôliers considéré comme l'un des plus grands bourreaux de Turquie. Elle lui aurait dit « Si vous n'avez pas honte de taillader la poitrine d'une femme, moi en tant que révolutionnaire, j'ai honte de crier devant vous. » Finalement libérée en 1990, après 12 ans de détention dans ces conditions, Sakine part en Europe, où elle tisse un important réseau de soutien. Mais au Kurdistan, la guerre continue entre l'État et le PKK. Les années passent, les combats se multiplient et les cadavres s'empilent. En 1999, l'État turc décide de couper l'herbe à la racine. Abdullah Öcalan, qui a pourtant abandonné ses revendications maximalistes, est arrêté puis condamné à mort pour terrorisme. 3 ans plus tard, en 2002, sa peine est commuée en prison à vie. Le fondateur du PKK est enfermé à İmralı, une petite île au large d'Istanbul, dans une prison de haute sécurité où il est le seul détenu. Malgré ce coup dur, les velléités indépendantistes des militants kurdes sont intactes. Les rangs du PKK grossissent et les actions violentes se succèdent. Alors, sous l'impulsion d'Ankara, le parti est classé comme organisation terroriste par l'Union européenne et les États-Unis. En 20 ans d'existence, le PKK est devenu l'opposant principal de l'État turc, son ennemi quasi existentiel. Alors, en toute logique, quand ce 10 janvier 2013, la nouvelle du triple meurtre commence à circuler, tous les regards se tournent vers un homme, Recep Tayyip Erdogan. Depuis son accession au pouvoir, 10 ans plus tôt en 2003, le dirigeant turc est obsédé par la question kurde et en particulier par le PKK. La guerre qu'il mène au parti est impitoyable. Depuis l'adoption de la série de lois antiterroristes, 8000 militants ont été mis sous les verrous et les bombes pleuvent sur le Kurdistan. Depuis 1978, on estime que de part et d'autre, le conflit a tué 45 000 personnes. Dans les villages kurdes, les mères pleurent leurs enfants tués à l'image de Meriem, une veuve, filmée par France 24. Que Dieu punisse la Turquie. Mon enfant pleure tout le temps. Que Dieu venge ma fille. Ils lui ont pris son père. Ils lui ont pris son avenir. Alors, le triple meurtre de la rue Lafayette est-il une énième opération de l'État turc ? L'enquête de voisinage menée par la brigade criminelle pourrait le laisser penser. Car le crime semble avoir été exécuté avec une extrême minutie. Aucun bruit particulier, ni aucune activité suspecte n'ont été remarquées autour de l'appartement. Personne n'a rien vu, ni entendu, pas même les voisins, ni les clients de l'épicerie tamoule du rez-de-chaussée. En tout, 10 balles pourtant ont été tirées, mais probablement avec un silencieux. Et seule la tête a été visée. Les victimes ont été exécutées calmement, avec application, professionnalisme, comme on entend parfois. Pour la majorité des Kurdes, l'affaire est cousue de fil blanc. Un tel crime porte bel et bien la signature d'Erdogan et du mythe, le très redouté service secret turc. Murat Sayin, un ancien agent des services, explique ici le pouvoir de nuisance de cette organisation. Le mythe est au courant de tout. Pour moi, le mythe est plus fort que le Mossad ou la CIA. Quelle que soit la personne, on ne dit pas qu'elle travaille avec nous. On ne le dit pas. Faut-il chercher du côté des services secrets ? Même si de nombreux doutes subsistent, une chose est certaine. Le massacre intervient dans un contexte politique très particulier entre les deux ennemis intimes. En ce mois de janvier 2013, en effet, voilà plusieurs mois que le gouvernement d'Ankara a entrepris des négociations secrètes avec le PKK. Menées sur l'île prison d'Imarali, entre le détenu solitaire Abdullah Öcalan et le chef des services secrets turcs, ces discussions portent sur un désarmement de l'organisation contre la libération de prisonniers politiques. Un compromis délicat, voire impossible, entre deux parties qui se font la guerre depuis des décennies. Pour les membres du PKK, la libération des prisonniers est un préalable. Rien ne changera tant que leurs camarades seront enfermés, en particulier le premier d'entre eux, Öcalan. Impossible pour Erdogan. Öcalan et ses disciples sont des terroristes, des ennemis de l'État. Leur place est en prison. Dans ce contexte, Ankara a-t-il voulu faire pression sur l'organisation pour qu'elle revoie à la baisse ses revendications? Après tout, l'assassinat de 3 membres du PKK à l'étranger serait vu comme une véritable démonstration de force. Une façon de dire aux militants que partout, d'Istanbul jusqu'à Paris, ils devront toujours regarder derrière leur épaule. Mais alors, si le mythe est à l'origine du triple assassinat, qui a appuyé sur la détente ? Diyarbakir, hoş Diyarbakir. Aujourd'hui, triple assassinat à Paris. France Inter, affaires sensibles. Paris, jeudi 10 janvier 2013. Au lendemain de la découverte des corps des trois militantes kurdes, la colère et la tristesse prédominent au sein de la communauté. Dans la matinée, de nombreux manifestants convergent rue Lafayette. Devant la porte du 147, des bougies sont déposées et des portraits d'Abdullah Öcalan brandis. Et bientôt, les slogans résonnent, les Kurdes entament un énième deuil collectif. La plupart des personnes qui sont là sont des personnes qui ont dû fuir la répression en Turquie. Donc la plupart sont des réfugiés politiques qui sont arrivés en France et là aussi la répression continue, il y a des massacres là aussi et c'est un sentiment de colère, un sentiment de ras-le-bol qui sous-tend nos populations. Parmi les victimes, Sakine Kanziz était la plus connue. Sa mort brutale l'a précipité au rang de martyr, donc de légende. Sous les fenêtres de l'appartement qu'il a vu rendre son dernier souffle, ils seront bientôt des centaines à lui rendre hommage, à elle, mais aussi à ses deux compagnes d'infortune, Leila Selmez et Fidan Dohan. Dans le cortège, ils sont nombreux à pointer du doigt un responsable, la Turquie. Et solennellement, ils demandent aux autorités françaises de tout mettre en œuvre pour retrouver le ou les coupables. Nous demandons à la France de tout mettre en œuvre pour identifier, interpeller, juger les auteurs et les commanditaires de ces triple assassinats politiques. À Ankara, évidemment, le refrain est un peu différent. Interrogé sur l'affaire, le Premier ministre Erdogan, bientôt président, se défend publiquement de toute ingérence et balaye les accusations d'un revers de la main. C'est un manque de considération et une grande irresponsabilité d'accuser l'État et le gouvernement turc après les assassinats à Paris. Ce sont des idées fausses. Pourtant, au lendemain du triple assassinat, les idées fausses que dénonce Erdogan font l'unanimité auprès de la communauté kurde. Désormais, la pression de tout un peuple repose sur les épaules de la brigade criminelle. Et justement, l'enquête avance. Deux jours après la manifestation, le 12 janvier, les résultats des différentes analyses arrivent au 36 et peu à peu, un scénario se dessine. D'abord, l'expertise balistique montre que les 10 projectiles ont été tirés par la même arme, un pistolet semi-automatique de calibre 7,65. Il n'y avait donc qu'un seul tireur, rompu au maniement des armes, qui a visé pour tuer. Ensuite, les autopsies révèlent qu'aucune trace de lutte n'a été décelée. Autrement dit, le crime a été tellement soudain que personne n'a eu le temps de réagir. Grâce à leur enquête de voisinage, les policiers mettent la main sur un indice crucial. Les bandes de vidéosurveillance de la supérette Carrefour City, située juste en face de l'immeuble. Par chance, l'une des caméras pointe sur la porte du 147 et tous les visiteurs qui sont entrés ce jour-là ont été filmés. Les fonctionnaires de police peuvent donc remonter le temps jusqu'à la matinée fatale du mercredi 9 janvier. Sur l'écran du petit moniteur, la bande vidéo défile. À 11h11, on distingue Fidan Dohan et Leila Selmez. Les deux amis entrent ensemble dans l'immeuble. Puis vient le tour de Sakine Kanziz. Emmitouflée dans son manteau trois quarts de couleur claire, la responsable du PKK franchit la porte du 147 à 11h29. Oui, mais voilà, elle n'est pas seule. Un homme l'accompagne. Sur la bande vidéo, les minutes s'égrènent. À 11h49, 20 minutes après son entrée, ce même individu ressort, seul cette fois. Il se dirige vers un parking, puis revient dans l'immeuble à midi 11. 50 minutes plus tard, il quitte définitivement les lieux. Chose étrange, il a une capuche sur la tête et il porte un sac plastique qui semble contenir un objet lourd. S'agit-il de l'ordinateur portable Sakine ? Une chose est sûre, après ça, aucune des trois victimes ne franchira la porte vivante. Qui est ce mystérieux visiteur ? En réalité, les policiers le connaissent déjà. Il s'appelle Omer Güney. Il a déjà été entendu au lendemain du crime. Il est l'un des hommes de confiance du PKK à Paris et sert souvent de chauffeur pour les cadres du parti. Pourtant, lors de cette première déposition, il s'est bien gardé de dire qu'il avait vu les victimes ce 9 janvier. Pourquoi ? Et puis, qui est-il vraiment, ce Omer Gunet ? En ce mois de janvier 2013, voilà un an et demi que ce Turc de 30 ans fréquente les associations kurdes de l'Île-de-France. Depuis, il est présent lors de chaque rassemblement. Pour ses camarades, son attachement à la cause ne fait aucun doute. C'est ce que raconte Yüksek Akbal, son ancien colocataire, dans le reportage de spéciale investigation consacré à cette affaire. Oui, il savait se faire aimer. Par là, je veux dire qu'on pouvait voir qu'il était très attaché à la cause. Il vous en parlait beaucoup. Il disait être amoureux de la lutte, suivre parfaitement la ligne idéologique. Et parfois, il allait même jusqu'à dire qu'il était le meilleur des Kurdes. Omer Gunet est-il vraiment le meilleur des Kurdes ? Quand les fonctionnaires remontent son histoire, le doute s'immisce. Car voilà, l'homme vient d'une famille turque, ultra-nationaliste de surcroît. D'ailleurs, à l'automne 2011, quand il avait commencé à fréquenter les cercles militants, il ne s'en était pas caché. Il avait expliqué être à la recherche de ses origines kurdes, reniées par ses parents. Après tout, son discours est plausible. L'assimilation des Kurdes en Turquie est fréquente et le PKK ne recrute jamais sur des critères ethniques, comme l'affirment plusieurs membres de la maison culturelle kurde au micro de Canal+. Première fois que j'ai vu ici, j'ai jamais vu ces personnes-là. Il a plutôt une tête du Turc qui est du Kurde, parce que nous, on se connaît entre nous. D'une manière, c'est pas mon genre d'avoir posé de questions de son origine, de son identité ou de son religion. Je ne pose pas de questions. Il nous a dit qu'il avait été mis à l'écart par sa famille. Il disait que sa famille n'aimait pas les Kurdes, mais que lui se sentait très proche de nous. C'était un peu son approche générale, et c'est comme ça qu'il s'est glissé parmi nous. C'est donc avec ce récit familial qu'il a réussi à s'intégrer dans la mouvance kurde. Alors, Omer Gunet, meilleur des Kurdes ou agent turc infiltré ? Pour éclaircir la situation et répondre de sa présence sur les lieux du crime, l'homme est placé en garde à vue le 14 janvier. Lors de l'examen médical, première surprise. Entre le pouce et l'index de sa main gauche, une marque est relevée. N'importe quel flic connaît par cœur ce genre de traces, typique du recul d'une arme à feu. Pourtant, quand on lui demande d'où elle vient, Gunet fournit une explication plutôt farfelue. Il assure s'être brûlé avec une brochette. Dans la foulée, plusieurs perquisitions sont menées à son domicile et dans sa voiture. En attendant les résultats, il est relâché. Mais pas pour longtemps. 3 jours plus tard, en effet, le 17, il est à nouveau entendu par les enquêteurs. Sauf que cette fois, ils ont des éléments matériels à lui opposer. Il se trouve que les analyses ont révélé des traces de sang de l'une des victimes sur la parka de Gunet portée ce jour du crime, ainsi que de la poudre sur sa sacoche en cuir. Cette fois, les policiers en sont certains, l'auteur du triple assassinat du 147, c'est lui, Omer Gunet. Pourtant, là encore, face à l'évidence, l'homme fournit des réponses extravagantes. À vrai dire, les charges qui pèsent sur lui ne semblent pas vraiment le perturber. Et pour cause, Omer Gunet souffre d'une tumeur au cerveau, son temps est compté. Pour la juge d'instruction, il faut donc faire très vite. Ainsi, 12 jours après le crime, le 21 janvier, l'accusé Gunet est placé en détention provisoire à Fresnes. Pour la communauté kurde de Paris, le soulagement se mêle au choc. L'homme qui a exécuté froidement leurs 3 camarades était l'un des leurs. C'est dur à admettre. De se dire qu'il était parmi nous, pour ensuite te poignarder dans le dos. Tu te demandes sans cesse comment t'as pas pu remarquer ce fils de pute. Excusez-moi l'expression. En fait, tu t'effondres psychologiquement. Si on avait remarqué la moindre chose, on aurait pu l'empêcher. C'est pour ça qu'ici, tout le monde se sent coupable. Après ces révélations, l'enquête doit encore répondre à une question, sans doute la plus délicate. Gunet est-il un agent des services secrets turcs du MIT ? Thank you. L'analyse de son téléphone apporte un début de réponse. On découvre que la veille de l'assassinat, le 8 janvier, à 4h du matin, le suspect s'est infiltré dans les locaux de la plus importante association kurde d'Île-de-France. Là, il a pris en photo les fiches des 329 adhérents. Devait-il les envoyer à Ankara ? Quel lien entretenait-il avec son pays d'origine, la Turquie ? Quoi qu'il en soit, les autorités d'Ankara se retrouvent dans le collimateur de la juge Duyer. Et dans les semaines qui suivent, elle multiplie les demandes officielles. Sans surprise, elle se voit notifiée de fin de non-recevoir. Par la suite, deux éléments venus de sources anonymes vont alimenter les spéculations. Il y a d'abord un étrange email envoyé à la préfecture de police. L'auteur de cet email assure qu'Omer Güney a effectué de nombreux voyages en Turquie et qu'il y a rencontré des agents du MIT. Quelques mois plus tard, les policiers qui ont entre-temps mis la main sur le passeport du suspect découvrent que l'information est au moins partiellement vraie. Entre septembre et décembre 2012, Güney s'est bien rendu discrètement trois fois en Turquie et surtout sans le dire à ses camarades kurdes. Et puis, en janvier 2014, un an après le crime, un nouvel élément arrive dans le dossier, cette fois par une voie encore plus improbable, le site de partage des vidéos YouTube. Le 19, un enregistrement audio de 10 minutes y est publié. Il s'agit d'une conversation entre Omer Güney et des agents du MIT qui devisent sur un plan d'attaque. Alors, même si la voix de l'accusé est authentifiée par la police scientifique, la preuve reste fragile. Rien ne permet de confirmer qu'il parle bien avec des agents secrets turcs. Finalement, en mai 2015, la juge Duyer se rend à l'évidence. Malgré tous ses efforts, l'implication des services secrets n'est pas juridiquement établie. Elle clôt l'instruction. Omer Güney est renvoyé devant les assises pour l'assassinat de Sakine Kanziz, Fidan Duran et Leyla Selmez. Programmé pour janvier 2017, son procès n'aura jamais lieu. Cinq semaines avant le début des débats, en effet, le 17 décembre 2016, l'inculpé meurt en détention et son décès marque la fin de l'action judiciaire. Près de 10 ans après le crime, le 23 décembre 2022, un terrible écho de l'affaire surgit à 1 kilomètre à peine du 147 rue Lafayette. Ce jour-là, 3 Kurdes sont à nouveau abattus, cette fois par un Français déjà condamné pour des actes de violence contre un camp de migrants. Dans cette redite lugubre, les réflexes sont les mêmes. Pour les Kurdes de Paris et d'ailleurs, c'est encore et toujours le gouvernement d'Ankara qui tire les ficelles et qui tue les leurs. Aux 3 victimes de 2013 viennent donc s'ajouter celles de 2022. Elles complètent une longue liste macabre de dissidents étrangers abattus en plein Paris. Du Marocain Mehdi Ben Barka à la militante anti-apartheid sud-africaine Dulcie Setnember, en passant par l'avocat algérien Ali Messili, tous ces morts hantent les rues de Paris. Exactly why France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, assassinat de trois Kurdes à Paris. Notre invité, Laure Marchand, journaliste. Bonjour. Bonjour. Vous avez notamment écrit deux livres sur la mémoire du génocide arménien en Turquie avec Guillaume Perrier, La Turquie, le fantôme arménien, paru chez Actes Sud en 2013, puis Le fantôme arménien, paru lui chez Futuropolis en 2015, plus récemment. En 2017, vous avez enquêté sur l'affaire qui nous concerne dans un livre appelé « Triple assassinat au 147 rue Lafayette », mais aussi dans un documentaire intitulé « Lui, trois femmes à abattre » diffusé sur Canal+, dans l'émission spéciale Investigation, dont nous avons utilisé quelques extraits, nos reversions Canal+. Et j'ai entre mes mains un livre signé Laure Marchand, donc vous-même, et Guillaume Perrier, toujours, intitulé « Les loups aiment la brume ». Alors quand on dit ça, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais le sous-titre nous dit tout. Enquête sur les opérations clandestines de la Turquie en Europe. Alors, il s'agit des loups gris. On y reviendra. Tout d'abord, est-ce que l'action de la justice pour notre affaire est éteinte au moment où on parle ? Non, pas du tout. Elle est éteinte pour Ömer Güney, qui comme vous l'avez dit, est décédé. En revanche, le parquet a accepté de rouvrir une information judiciaire pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Donc, très clairement, la justice française cherche à établir, à trouver les commanditaires de cet assassinat et à établir des liens, si possible, avec les commanditaires et donc le mythe, les services secrets. Pendant le récit, on est largement revenu sur la vie de l'une des trois victimes, Sakine Kanziz, mais moins sur les deux autres, Fidan Dohan et Leila Selmez. J'imagine que ce sont des personnalités importantes des Kurdes à Paris et du PKK. Qui sont-elles ? Alors, Leila Selmez, tu es une jeune femme de 25 ans. C'est une Kurde qui a grandi en Allemagne, qui a fait une scolarité brillante dans le... dans le système scolaire allemand, et mais qui a rejoint le, elle est issue d'une famille pro-kurde et elle a rejoint le PKK. Et au moment de son assassinat, elle était chargée de chapeauter un petit peu les la jeunesse kurde, les associations kurdes de la jeunesse, et elle avait pris des responsabilités en région parisienne. Fidan Dohan, elle, est un profil très important. Elle était chargée en fait du lobbying du PKK auprès des partis politiques en France, en Europe. Donc elle opérait dans l'ombre, mais elle était parfaitement connue de nombreux responsables politiques. Elle a organisé des conférences à l'Assemblée nationale pour défendre les Kurdes. Et au moment de son assassinat, même François Hollande a dit qu'il avait eu l'occasion de la rencontrer. Est-ce que l'antenne du PKK à Paris est une antenne importante ? Ou plus qu'ailleurs ou moins qu'ailleurs au Paris ? Ah bien sûr, c'est une antenne importante. Le PKK est présent dans plusieurs pays d'Europe. C'est surtout la représentation politique du PKK qui est à la branche politique qui est représentée en Europe. Donc effectivement dans le 10e arrondissement à Paris, mais le siège du Congrès Gael, cette ombrelle politique, est installée à Bruxelles. Mais également, les structures kurdes sont très présentes, également en Allemagne, par exemple, où la communauté kurde est également très présente. Alors, autre personnage important de cette histoire, évidemment, Ömer Güney, qui est donc mort d'une tumeur au cerveau, c'est ça ? Oui. Alors, vous avez rencontré certains de ses proches, notamment ses anciens voisins, et certains assurent qu'il faisait partie des loups gris. Alors, déjà, on va parler des loups gris, et puis on va voir si vous pouvez ou pas en faire partie. Les loups gris auxquels vous avez consacré ce dernier livre. Qui sont ces loups gris ? Alors, je rappelle que nous avons raconté les loups gris dans Affaires sensibles, mais la mémoire n'est pas universelle. Il faut rappeler les faits. Qui sont ces loups gris ? Alors, les loups gris sont une appellation pour une mouvance d'extrême droite turque, la mouvance d'extrême droite, ultranationaliste, raciste, fasciste. C'est le terme... Tout ça en même temps, oui. Oui, bien sûr. C'est... C'est un mouvement qui a été créé par Alparslan Türkeş dans les années 60 et qui était un grand admirateur des régimes fascistes européens. Donc il y a aucun doute sur cette filiation politique. Donc l'extrême droite turque, cette extrême droite est accusée d'avoir mené de nombreux assassinats en Turquie, mais également en Europe. Et parmi, effectivement, dans cette idéologie, il y a effectivement une haine contre les Kurdes, en fait. Hein. Donc, parce que. Mais d'où cette haine contre les Kurdes? Parce que l'extrême droite turque défend une conception ultranationaliste du Turc. Le Turc, un bon Turc, est un musulman sunnite. Par le Turc, et il y a dans cette idéologie, il y a un désir, il y a une mythologie qui consiste à vouloir unir l'ensemble des peuples turcs dans le monde, qui va de l'Europe des Balkans jusque au Xinjiang, chez les Ouïghours, qui sont musulmans, qui sont non seulement musulmans, mais qui parlent une langue turque originelle et qui font partie de ces grands peuples turcs, pardon. Ils sont kurdes et turcs. La langue des Kurdes est une langue proche de la langue iranienne, c'est ça? Il y a deux langues kurdes, donc oui, mais il y a deux kurdes qui sont parlés selon les régions de peuplement. D'accord. Alors Güney, on y revient, et les Lougris, quel rapport les Lougris entretiennent-ils avec le pouvoir en Turquie, avec Erdogan? Alors depuis 2016, depuis la tentative de coup d'État contre Recep Tayyip Erdogan, les Lougris sont les alliés de Recep Tayyip Erdogan au pouvoir. Ils gouvernent aujourd'hui l'AKP de Recep Tayyip Erdogan gouverne avec l'extrême droite turque. Et ils ont le même ennemi, les Kurdes. Tout à fait. Surtout, Recep Tayyip Erdogan a fait également des concessions à son allié qui est farouchement anti-kurde. Et effectivement, aujourd'hui, il se retrouve totalement sur cette... ce combat commun. Autour de ce combat commun. On va y revenir dans 3 minutes. On écoute Dominique. Ah, des accords, des éléments. Des accords, des éléments, on se demande où va le vent. Bientôt par lui-même, agacé. On se demande d'où l'eau s'écoule, quel sorcier guidera la foule jusqu'au point de la diviser. On se disait selon le temps, puis le temps parla de manquer. Mais tant que la ligne d'horizon n'aurait pas bougé, on ne partirait pas d'ici. On accueillerait la prophétie au bord des piscines. À nos côtés, odeur du temps acré et frontal, comme une entaille dans l'air à cran. Des accords, des éléments, les feux bataillent avec le vent. Et l'eau s'est retirée. Pétales mouillés, teintes d'opale, vertige qu'on pensait vitrifier. Quel animal fermera le bal? S'éteindra le dernier. Laure Marchand, au niveau de l'instruction, la juge Jeanne Duyer n'a pas réussi à établir s'il y avait des commanditaires pour ce triple meurtre ou si Gunet a agi seul. Alors, est-ce que ces liens avec les services secrets turcs sont aujourd'hui avérés? Parce qu'il a quand même un drôle de parcours, hein, cet homme, entre les Kurdes. Alors, ça serait le meilleur des Kurdes. Et si c'est pas le meilleur des Kurdes, il est avec les agents turcs. Selon vous, quelle est l'hypothèse la plus probable? L'hypothèse la plus probable, c'est qu'effectivement les services secrets turcs ont un lien avec ce triple assassinat. Après, ce que l'on ne sait pas, parce que le tueur présumé est mort, c'est qui sont les commanditaires exacts. A-t-il pu agir de son plein gré? De nombreux doutes quand même émergent, hein, par rapport à cette hypothèse. Mais dans les éléments que vous avez cités, dans les liens entre le tueur présumé et le mythe, il y en a de nombreux plus que troublants. Vous avez parlé notamment de ce document audio dans lequel la voix de Mergunay a été parfaitement identifiée, hein, par la police scientifique française. Peu après, quelques années après, des agents du mythe, par exemple, ont été arrêtés par le PKK dans le nord de l'Irak, et ces deux agents ont fait des déclarations très précises, identifiant les voix, ces deux voix justement qui semblent être les supérieurs hiérarchiques de Mergunay et qui ont des responsabilités au sein du mythe. On peut parler aussi d'un élément qui prouve vraiment ces liens entre le tueur présumé et les services secrets turcs. En plus de ce document audio, il y a un autre document très intéressant qui a été publié. C'est une lettre de mission attribuée au mythe, qui est classée confidentielle, qui date d'octobre 2012, soit quelques mois avant la mort de Sakineh Cansız, dans lequel le mythe ordonne la préparation de l'assassinat de Sakineh Cansız. Et là, il y a deux agents turcs qui apparaissent dans cette lettre de mission, avec des noms de code. Un qui est le légionnaire, et on ne connaît pas son identité à l'heure actuelle, et un autre agent qui répond au nom de code de la source. Et la source peut tout à fait être Ömer Güney, parce qu'il a indiqué que la source accompagne Sakineh Cansız dans ses démarches administratives en France, et effectivement, c'est ce que faisait Ömer Güney. Donc ça fait beaucoup quand même. Non seulement ça fait beaucoup, et le mythe n'a pas démenti. En plus. Oui, n'a pas dit que ces documents étaient faux. Hein, donc n'a pas démenti l'existence de ces documents. En revanche, il s'est insurgé contre le fait que les noms de ses agents était rendu public et que ça les mettait en danger, ce qui n'est pas la même chose. Alors, on l'a vu dans le récit également, il semble que l'auteur du crime, admettons ça Güney, soit reparti avec l'ordinateur de Sakineh. Sait-on ce qu'il y avait comme information dans cet ordinateur? C'est pas anodin qu'il reparte avec l'ordinateur, il prend rien, mais il prend l'ordi. Eh bien non, on ne le sait pas, car comme vous le dites, cet ordinateur a disparu. On sait que les caméras de surveillance l'ont montré. Ömer Güney, quand il ressort du 147 rue Lafayette, il tient un sac à la main qui est assez volumineux. Donc à la juge d'instruction, il a dit que ce sac contenait des friandises que lui avait donné Sakineh Cansız, mais ça ne correspond pas du tout à la taille du sac. Donc l'ordinateur de Sakineh Cansız a disparu, son téléphone portable également, et son sac à main. Et il faut aussi préciser que l'arme du crime n'a pas été retrouvée. Donc, que contenait ce sac? On ne le sait pas. Mais, effectivement, ce qui est certain, c'est que ce sac ne contenait pas juste des Kinder, comme il l'a dit. Cansız, vous prononcez Cansız. Hein. Cansız. Cansız. Et ça s'écrit Cansiz. Alors, moi, j'ai prononcé à la française. Bien sûr. Hein. Mais ça se prononce comme ça, d'accord. Et alors, pour la petite histoire, enfin, qui est terrible, c'est Cansız en turc signifie sans vie. Voilà. Effectivement. Alors, Ömer Güney a tenté de s'évader pendant sa détention. Alors, ça, c'est encore une histoire qui montre les liens entre Ömer Güney et le mythe. Lorsqu'il est incarcéré à Fresnes, il fait venir d'Allemagne, où il a vécu, Rui Semen, qui est un Turc qui vit en Allemagne et qui était son chef d'atelier quand il travaillait dans une usine en Allemagne. Et donc le parloir lui est accordé, mais il est sonorisé, bien sûr, sans qu'il le sache, pour les besoins de l'enquête. Alors, il s'en doute, hein, Mergunei, parce qu'il est, il est intelligent. Donc, en fait, il discute avec des mots de code avec Rui Semen. Et en fait, il parle régulièrement de Mouti, qui se fait beaucoup de soucis. Et Mouti, en allemand, ça veut dire c'est maman. La maman, ouais. C'est la maman. Et il demande à Rui Semen d'aller voir maman. Et en fait, maman, ce que les enquêteurs ont très vite compris, c'est qu'en fait, ça ne désigne pas sa mère, mais le mythe. Et la police, ensuite, a retrouvé dans le téléphone de Rui Semen un plan d'évasion qu'il était donc chargé, que Ömer Güney lui a remis pendant ce parloir, et que Rui Semen était chargé d'aller remettre au mythe à une personne en particulier qui avait toute la confiance de Mergunei. Ah, c'est quand même un élément qui milite en faveur de l'hypothèse des services secrets turcs dans ce triple assassinat. Ça, un de plus, ça fait beaucoup encore. Ah, mais je pourrais en citer encore de très nombreux. Dans le téléphone portable de Mergunei, par exemple, a été retrouvé le numéro de téléphone, la ligne de téléphone du mythe à Erzurum. Donc Erzurum, c'est une ville en Anatolie où se trouve justement le département du mythe, qui est notamment chargé de la lutte contre la guérilla kurde, contre le PKK. Voilà. Et tout le monde n'a pas dans son téléphone portable la ligne du mythe. Son voisin, le voisin de sa famille à Ankara, également, a contacté le mythe sur ce numéro de téléphone à Erzurum. Voilà. Donc, il y a des éléments comme ça, il y en a beaucoup, qui tous convergent vers l'hypothèse des services secrets turcs. Un autre crime contre les Kurdes très similaire a eu lieu fin décembre. On en dit un mot? Oui, bien sûr. Le 23 décembre, rue d'Anguien, dans le 10e arrondissement, justement au centre culturel kurde, au centre culturel Ahmed Kaya. Bon, ce n'est pas un centre culturel, en fait. C'est un QG, c'est un lieu, un QG officieux, mais connu de tous du PKK en France. Trois personnes ont été assassinées par un individu, un ressortissant français. Donc, les trois personnes assassinées, devant le centre, à l'intérieur du centre et juste à côté, sont une combattante du PKK qui a combattu, Emine Kara, qui a combattu en Syrie contre Daesh, donc aux côtés de la coalition internationale. Une personne, un Kurde, qui venait régulièrement dans ce centre, et puis aussi un jeune musicien kurde qui a été abattu. Mais manifestement, le tueur était contre les migrants, peut-être qu'il a assimilé les Kurdes à des migrants, que c'est peut-être pas anti-kurde, il était connu pour être anti-migrant. Alors, cet assassinat suscite d'énormes interrogations. Et quand même, il a déclaré avoir une haine anti-kurde, donc il y a eu une justification politique. D'accord. Très bien, merci infiniment, Laure Marchand. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, triple assassinat de la rue Lafayette, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, à la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont.